Yeah, yo, what's up? I'm back again. Big up Too Bad, big up DJ Staton, the new generation 2008 for Jesus. Yo, nunca vi ni tu pali de Jesus. Lève les meilleurs lèvres pour recevoir toute bénédiction à mon Dieu. Allons en mille et les rio. Recevez l'onction venant d'en haut. Voyez comment le voyant est beau. Nous venons pour nous faire saluer, pour nous faire s'adorer, pour nous faire s'achanter, pour nous faire s'adanser, pour nous faire s'lever les meilleurs lèvres pour recevoir toute bénédiction à mon Dieu. Allons en mille et les rio. Recevez l'onction venant d'en haut. Voyez comment le voyant est beau. Ouais. Mon frère, dis-moi, est-ce que c'est chaud? Ah oui, c'est chaud, chaud, chaud, chaud, chaud. Ma soeur, dis-moi, est-ce que c'est chaud? Ah oui, laisse-moi. Mamie, dis-moi, est-ce que c'est chaud? Ma fille, il chaud, mec. Apocalypse, toi, c'est si tu es tiède, il te vomira. Caribbean for Jesus. West Indies for Jesus. Venez adorer le boss. Vamos a bailar, ricanta para Dios. Me gusta la música tanto. Para Jesús me levanto la mano. Como la hermana que está bailando. Vamos a gozar, es sueño Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Me gusta la música tanto. Para Jesús me levanto la mano. Como la hermana que está bailando. Vamos a gozar, es sueño Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Hermano mío, él es en la alegría. Sí, yo sé. Hermana mía, ¿querías bailar para el Salvador? Claro que sí. Ahora, vamos a cantar y gozar en su presencia. Sí, ¡arriba, señora, arriba, arriba! Recevoir les bénédictions. Recevez. Et toujours les mains vers le haut. Nous allons proclamer la victoire. Ouais. Yeah. Nous proclamons la